Donc, la personne, elle est manipulée. Et quand je dis souvent qu'on finit par créer une espèce de cercle où ça tourne en rond, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. Être manipulé, ce n'est pas un problème. Ne pas le savoir, c'est un problème, mais ce n'est pas souffrant. Le savoir qu'on est manipulé, puis continuer à être manipulé quand on est manipulé, parce que ça devient très subtil à un moment donné. Il y a des individus qui, après le séminaire, vont prendre l'autobus, puis là, ils regardent le monde dans l'autobus, puis ils se disent tout, « Hey, tu as vu comment c'est vrai qu'ils sont manipulés? » Il est manipulé, là, il ne s'en rend pas compte, lui, là. Il fait partie du lot aussi, qui pense que... Alors, c'est important de... On parlait d'apprendre à être joyeux. On ne sera jamais heureux sur la planète Terre. Le bonheur, c'est une question de mémoire. Être joyeux, c'est une question de spontanéité. L'individu peut apprendre à être manipulé, voir qu'elle est manipulée, puis de la façon dont elle va l'observer, va trouver ça vraiment drôle, ce qui va faire en sorte que toute l'énergie de l'observation va servir à lui permettre de se désassujettir progressivement des formes de manipulation. Alors que j'en ai ras-le-bol d'être manipulé, j'en ai marre, c'est émotif. Continue. Je me sens tourné en rond depuis plusieurs années. Mais c'est ça qu'elle fait sur le papier aussi. Comment débloquer ce chemin? Peut-on arrêter l'astral? Non, l'astral, on ne l'arrête pas. L'astral, c'est extrêmement utile, c'est fondamental, c'est le réservoir d'énergie. L'astral, c'est une structure qui a été créée. On pourrait dire qu'on a créé, mais disons, oublions qu'on... ça fait longtemps. Alors, c'est une structure, un réservoir d'énergie qui fait en sorte que toute énergie qu'on n'est pas capable de cumuler, c'est cumulé dans des formes, dans des illusions, dans l'astral. Et cette énergie-là, elle est placée quelque part, et c'est ces sphères-là d'énergie qui viennent se heurter et qui nous heurtent. Et ça va créer la majorité des événements qui, dans notre conscience astralisée, vont venir nous manipuler. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, il n'y a pas de manipulateur, mais on est manipulé en maudit. Il n'y a pas d'intentionnalité manipulatrice. Alors, on aura beau dire « maudit astral », il n'y a personne qui peut écouter. Alors, on a beau prier, ça ne change rien. L'astral va fonctionner avec une colère mentale, on va être capable de se faire un petit trou, mais ça, c'est quelque chose d'autre. Alors, ce qui va arriver, c'est comment on débloque le chemin. Plus on cumule d'énergie, plus on se désassujettit. Mais sachez une chose, c'est que vous êtes, on va dire, vous êtes souffrant, mais on vous a donné un anesthésique. Plus vous allez vous réveiller, plus vous allez souffrir. Mais en réalité, vous avez toujours souffert autant, mais vous ne le saviez pas. Et plus vous vous réveillez, plus vous sentez la douleur. Bon, vous êtes en post-opératoire, ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez la sentir énormément, mais vous êtes vers le chemin de guérison. C'est un peu la même chose. On est manipulé, puis l'individu qui ne le sait pas ou qui est sûr qu'il ne l'est pas, ils le sont pas mal. Et à un moment donné, on découvre la manipulation, et découvrant la manipulation, on a l'impression qu'on l'est de plus en plus. Notre conscience grandit. Et sachez une chose, chaque fois que vous voyez un peu plus les problèmes, achetez-vous un petit gâteau, parce que votre conscience grandit. C'est ça, l'évolution. L'évolution, ça n'a pas comme objectif d'éliminer les problèmes. Ça, c'est un résultat secondaire de l'évolution. Ça va venir. Mais l'évolution, c'est la conscientisation. On voit. On voit comment on est laid, comment l'ego était laid, comment ceci. On voit comment on pense qu'on est faible. Puis subitement, on découvre que ça fait partie d'une mécanique de manipulation. Ce n'est pas vous. Alors, la personne, elle peut dire, oui, bien, si ce n'est pas moi, n'empêche que je suis manipulé. C'est ce que je dis. On cohabite dans le même corps physique avec de la mémoire, avec un virus, avec de l'âme. Et progressivement, en se conscientisant, on réchauffe. Réchauffant, on va finir par devenir le Dieu salvateur de notre âme. On va finir par être le maître qui va instruire. On va s'instruire. On va se parler. Et à un moment donné, l'ego, quand je parle de devenir le maître contrôleur, d'abord de son corps physique, progressivement, l'ego ne sera plus capable de contrôler ce qui vous manipule, ce qui chiale, ce qui vous stresse, ne pourra plus se servir de votre corps physique. Ça va être encore chez vous. Mais là, vous allez être le contrôleur, vous, l'intelligence, par le biais du mental. Et progressivement, vous allez finir par détruire l'ego. Mais détruire l'ego, il y a un autre terme plus juste, anégoïser. Vous allez finir par vous anégoïser. La négoïsation, c'est la fonte de l'ego. Vous allez prendre d'énergie dans la forme et vous allez en faire quelque chose de mieux, d'obétérique. C'est exactement comme si vous prenez des produits chimiques dangereux, vous prenez du chlore mortel, vous prenez du sodium mortel, vous les associez ensemble pour faire du chlorure de sodium, le sel de table absolument essentiel à la vie. C'est ce qui va arriver. Donc, c'est une alchimisation, une mutation. Progressivement, c'est ce qui va arriver. L'individu doit apprendre à s'amuser, à se plaire de la vie et surtout de l'évolution. Parce que plus on va se conscientiser, plus on va voir. Plus on va voir, plus on va voir la problématique. Et à un moment donné, on va arriver au bout de la problématique. Elle n'est pas éternelle, puis elle n'est pas infinie. Mais elle est vaste. On doit simplement continuer à vivre. Et on voit, et on continue à s'amuser. Imaginez que moi, avec tout ce que je sais, ce que je perçois, j'ai encore la capacité de rire et de sourire. C'est que ceux qui ne sont pas capables de rire, il y a des bouts qui vous manquent. Laissez-vous le temps, vous allez venir par rire en tabarouette, oui. Il y a 3 semaines, vous avez dit que la machine à voyager dans le temps existe. Alors, pourquoi envoyer un télescope satellite pour scruter le temps? Pour la simple raison que les conditions de vie, il y a quelques années, ne sont pas capables de supporter un être humain. Hein? Ce n'est pas intéressant tellement, ça n'expliquera pas. Puis encore une fois, il faut faire attention, les pays qui ont ces machines, les machines ne sont pas tellement opérationnelles. J'ai expliqué qu'il y a toujours eu des problématiques avec ces machines-là. Les Américains s'en sont servis un bout de temps sur le porte-avions Nimitz, avec un des sous-marins nucléaires, puis avec un destroyer. Ils ont toujours eu des problématiques à cause qu'il y a des déphasements au niveau des corps vitaux. Les individus qui reviennent ont des grands problèmes avec leur corps vital. Alors, c'est relativement inopérationnel, et surtout, c'est que ça ne dira pas aux physiciens ce qui s'est passé au début de la création, parce que imaginez que vous avez une machine à voyager dans le temps, puis vous allez apparaître avant que la Terre existe. Mais vous avez l'air fin à maudit. Dans l'espace, votre machine va prendre de l'expansion. Votre conscience, elle. Dans le monde parfait que tu expliquais tout à l'heure, pourquoi y avait-il un trou? Tout à l'heure, j'ai expliqué que je faisais un parallèle de façon à ce qu'on puisse comprendre ici. En réalité, ce n'est... Bon, je ne répondrai pas là. On peut s'amuser souvent. On peut faire ça en conférence régulière, enfin, en conférence spéciale. L'idée, simplement, c'est que pour parvenir à comprendre le phénomène du trou... Il n'y a pas de trou en réalité. C'est un parallèle que je faisais. Le monde parfait, le mot parfait n'existe même pas là, parce que la perfection, c'est nécessairement dans un endroit où il y a l'antipode, l'imperfection, la dualité. Ce n'est pas ça non plus. C'est un endroit qui n'existe pas, mais où on est. C'est un endroit qui est là et qui n'existe pas. C'est un endroit qui a des incidences sur l'humain qui est existentiel. L'endroit est préexistentiel, n'existe pas. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de mémoire. Ce qui fait en sorte que quand l'individu quand vous serez retourné là d'où vous venez, vous pourrez constater que l'univers n'a jamais existé. Il n'y aura pas de temps, il n'y aura pas de mémoire, il n'y aura pas d'espace. Sauf que pour parvenir à comprendre, à s'amuser, il faudrait que je me réchauffe. Ça veut dire qu'il faudrait que je parle encore plus vite que tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on prenne ce qui peut arriver dans certaines conférences spéciales où, justement, on posera des questions particulières. Il va venir un temps que tout ce que je vais dire n'aura pas d'importance, mais énergétiquement, on va être capable de comprendre des choses, mais pas les comprendre pour en parler. Mais les comprendre pour... ça va bien. On sait. On sait rien, mais on sait tout. Mais là, ici, là, on n'aura pas le temps là. Donc, c'est un parallèle que je faisais de façon à ce qu'on comprenne, qu'on ait une autre vision que le Dieu créateur, par exemple. Qu'on comprenne un peu c'est quoi la mécanique de l'effusion. Après, c'est une mécanique de fusion qui va nous ramener. Bon. Du point de vue supramental, tout est intelligent. Explique l'intelligence qu'il y a eu pendant des siècles chez plusieurs... congrégations religieuses à s'imposer des mortifications physiques. Mais c'est essentiel. En quoi cela était-il nécessaire pour faire évoluer l'homme? Était-il absolument nécessaire de passer par là? Absolument, absolument. Moi, j'ai jamais voulu devenir frère. Mais j'étais d'accord avec ceux qui voulaient rentrer dans les congrégations. Le gros du problème de l'évolution mémorielle, c'est la mémoire. Première invention théologique intéressante, pardonne. Dissout la mémoire. La problématique, c'est que l'humain pardonne, mais l'humain n'oublie pas qu'il a pardonné. Donc, il n'a jamais pardonné. Pardonner, c'est bon. Oublier qu'on a pardonné, c'est mieux. Alors, il arrive ceci. Il arrive que progressivement, la mémoire finit par, à travers les mécaniques de réincarnation qui se font 24 heures sur 24 tout au long de notre vie, ça nous amène des poids du passé. En réalité, le passé est instantanément présent. Mais on appelle ça le passé. Et on appelle ça le karma. Alors, il arrive ceci. Il arrive que sur la planète Terre, il y a une grande partie des habitants de la planète Terre qui vivent énormément de problèmes et de souffrances. Eux supportent un karma planétaire pour vous permettre à vous de vivre mieux et d'avancer plus rapidement. Les personnes qui se sont martyrisées ont permis de créer de l'élitisme dans les théologies. Eux supportaient des karmas collectifs et supportaient plus de karmas pour permettre à des individus de se pacifier, d'avancer, d'évoluer. C'est dans la mécanique évolutionnaire planétaire absolument essentiel. Ne me demandez pas si moi j'aurais voté pour, probablement pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y a pas présentement, vu Le manque de pratique, le manque d'expression d'une intelligence chez l'homme, il n'y a pas d'autre façon de parvenir à libérer certaines contraintes chez certains individus pour leur permettre d'avancer de façon à ce qui en amène de l'intelligence ici. Alors, il y a des pays qui souffrent et qui ont sans cesse les mêmes souffrances et ça ne lâche pas. On les entretient même. Bon. Et ça élimine des karmas sur d'autres nations qui ont avancé. C'est la même chose pour les personnes qui, à travers certaines religions, se sont martyrisées dans toutes les religions. Pour permettre à certains autres d'avancer, ils prenaient leur karma. Et c'est pourquoi on va trouver comme étant béatifiant et convenable de supporter le poids des péchés des autres. Ça, mais ça permet aux autres d'avancer. Puis là, il faut se dire, espérons qu'ils ne nous oublieront pas. Pouvez-vous nous parler du plan et du corps éthérique? Oui, je peux. Merci. Je peux. Oups. Voilà. J'ai une autre question. Parler du plan et du corps éthérique. Ah, tu veux que j'en parle, toi aussi? Faut attention à comment formuler les questions. Je ne suis pas sûr que c'est plan là, qui est marqué. Parce que si on parle de plan, on parle d'une entité bâtie d'énergie vitale, d'une entité de la nature, qui est l'alliance, c'est une expérience mémorielle qui, à un moment donné, est apparue en Lémurie. Je vais passer quand même rapidement. Si on parle du pan, c'est un animal qui ressemble un peu à l'humain dans certaines phases de sa constitution. C'est un être qui est exclusivement énergétique, donc vital, et qui fait partie de l'expérience de la dissociation entre l'animal et l'animal humain en Lémurie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu l'intelligence, l'énergie vitale s'est scindée en deux dans le corps des êtres humains de l'époque, des animaux de l'époque, et l'énergie vitale a commencé à monter le long de la colonne vertébrale pour ouvrir le centre laryngé et le cerveau. Donc, il manquait d'énergie pour se reproduire. Les animaux, à l'époque, étaient hermaphrodites, donc ils se reproduisaient de par eux-mêmes. Et ça a créé la sexualisation, donc la création des sexes. Et il y a des animaux qui ont refusé cela. Ces animaux-là, très près de l'humain, donc les hommes qui ont refusé la sexualisation n'ont pas vu développer leur centre laryngé et leur cerveau, et ça a donné les hommes sans parole, toutes les races de singes que l'on connaît aujourd'hui. Et à travers cette mutation, il y a eu des expériences mémorielles énergétiques qui sont restées, et ça a créé des entités de nature, entre autres, comme le pan, qui normalement est muet et qui peut parler avec une flûte, par exemple. Bon, c'est de ça qu'on parle, on parle de ceci. Il y a d'autres choses à travers la question ici, on pourrait revenir tout à l'heure. Ah, ça laisse à moi. Est-ce bien vous, Charles Villeneuve, qui avez passé ou été à l'émission de Scully cette semaine? C'était mon corps physique, moi, j'étais pas là. Qui était Jules Verne? C'était un homme. C'était un visionnaire, c'est un personnage qui avait la capacité de réincarner des mémoires de l'avenir. Pensez-vous qu'on réincarne le passé? L'avenir, c'est présent aussi. On réincarne de l'avenir et Jules Verne réincarne des mémoires de l'avenir. Bon, on a beaucoup de questions. C'est intéressant, le bonhomme. On pourra juste revenir un petit peu. On évoque les autres. Mais c'est un bonhomme qui avait la capacité de réincarner des mémoires de l'avenir, ce qui a fait en sorte que ce qu'il a écrit était très, très bon. Il est venu placer ici beaucoup d'éléments, ce qui ont fait... Oui. Comme par exemple, dans le voyage autour de la Lune, eh bien, on part de Cap Canaveral. Enfin, on part. Il lançait sa balle de fusil de la pointe de la Floride. C'était là que c'était correct. Les sous-marins, enfin, il y a plusieurs choses que Jules Verne a amenées qui sont simplement... Il réincarnait des mémoires de l'avenir. Comment savoir si le chemin évolutif suivi est vraiment le chemin qui doit être suivi? Vous ne le saurez jamais. C'est dommage. Ça fait partie de l'évolution. À un moment donné, vous n'aurez pas besoin de le savoir, ça va être réglé. Sinon, c'est votre ego qui va finir par le savoir et l'apprenant, il va refuser toute forme de bifurcation. Astralement, mémoriellement, l'humain ne saura jamais s'il est dans le bon chemin. Et si on doit s'y habituer, ça va être comme ça. Supramentalement, au niveau de l'intelligence, à un moment donné, la question ne viendra plus. Ça va être réglé. Comme je disais à un moment donné, moi, je ne sais pas où je vais. Mais j'y vais. Et j'expliquais encore, je connais la saveur, je connais pas la forme, et je m'en fous de la forme. Alors, très brièvement, c'est un peu comme si on vous parle d'un monde de paix et d'amour, disons. Alors, vous me demandez de le décrire. Ben, c'est pas important qu'on le décrive. Et là, vous dites, ben oui. Ben, c'est un monde où, disons, il y a des gros hôpitaux, c'est un monde où, bon. Puis à un moment donné, ben, vous arrivez sur ce monde-là. Il n'y a pas d'hôpitaux, il y a juste des petites plantes. Mais il y a l'amour et la paix. C'est ça qu'on voulait. Puis là, vous dites, ah, mais c'est fourré, il n'y a même pas d'hôpitaux. Non, l'humain recherche la forme. Moi, je connais la saveur. À un moment donné, vous allez connaître la saveur, mais vous allez savoir. Ça va être réglé, réglé, réglé, réglé. Au niveau de l'ego, non, mais ça va être réglé. En attendant, au niveau astral, l'humain ne saura jamais. Quel bouleversement physique doit-on s'attendre dans les prochaines années au Québec? Pour être honnête, on doit s'attendre à tout. Je ne veux pas faire le prophète, et les historiens qui ont écrit les livres d'histoire que j'ai lus se contredisent. Mais il y aura des choses intéressantes. Il y aura des mouvements sismiques. Je n'ai pas dit des cataclysmes. Je n'ai pas dit non plus qu'il n'y en aurait pas, mais je dis qu'il y aura des mouvements sismiques. Il y aura des mouvements de population du nord vers le sud, du sud vers le nord. Il y aura des interventions intéressantes. Elles seront intéressantes en fonction du fait qu'elles vont rencontrer des terrestres extra. Il y aura des choses comme ça brillantes. Québec, c'est... Je suis pas venu au monde au Québec pour rien. Parce qu'il y a bien des choses intéressantes qui vont se passer ici. C'est pas l'hasard qui a fait ça. Non. Qu'arrive-t-il au corps d'un homme dont la génétique est prise par des extraterrestres? Ben, il marche. Il traverse la rue. Et sa conscience réelle retourne-t-elle à sa source? Quand un extraterrestre kidnappe la génétique du corps d'un être humain, ça ne dérange pas l'humain. On va recréer des cossins là-bas, des clones, mais ça, on n'a rien à faire. Le clonage agricole, ça les regarde. Maintenant, si on kidnappe l'humain, on l'hypnotise, on fait des tests dessus. Il y a certains humains, à un moment donné, qui se sont vus implanter des choses. Normalement, c'est pas les humains les plus ascensionnels qui vont être kidnappés. Puis être manipulés par une chose ou par une autre. Du point de vue d'évolution cosmique, ça ne change pas grand-chose. Ces humains-là ne sont pas perdus, ils vont continuer leur évolution, l'évolution va se poursuivre. Et c'est logique que les extraterrestres s'intéressent, ou les intraterrestres surtout dans le cas des kidnappings, s'intéressent énormément à la génétique de l'humain parce que c'est l'une des plus solides que l'on connaisse présentement à l'échelle de la galaxie. On a l'air quétaine, hein, nous autres, on a l'air bien quétaine. Prenez un extraterrestre, mettez-le à poil. Prenez un humain, mettez-le à poil, foutez-le dans le désert. Vous allez voir que s'il y en a un des deux qui s'en sort, ça va probablement être l'humain. Dans n'importe quelle circonstance, l'évolution planétaire d'une espèce ou d'une race n'est pas proportionnelle à sa technologie. Non. Proportionnelle à la non-technologie, parce qu'il reste dans l'humain une fois qu'on y a tout ôté. Les extraterrestres, c'est un peu la même chose. Alors, ils recherchent le contact génétique pour pouvoir s'adapter. Déjà, sauver une partie de leur évolution, prendre une avance. C'est logique. Lorsque je suis intensément présent, il arrive souvent que j'ai de sérieux serrements dans la tête. Comment éviter cela? Que se passe-t-il? Lisez le livre de l'Obsam Rampa, le... Il se faisait un trou dans la tête. Faire le troisième œil, oui. Ouais. Y a-t-il une autre méthode plus douce? Ah oui. Parce que pour ceux qui ne l'ont pas lu, là, il faisait une incision au-dessus du nez, comme ça, puis il rentrait un joint en bois avec un marteau pour ouvrir le crâne, comme... Ah, ça fonctionnait, il ouvrait le crâne. Il disait qu'il voyait des lumières après, je comprends. J'en verrais bien moins que ça, moi. Ah ouais, je comprends, oui. Donc, lorsque je suis intensément présent, il arrive ceci. Il arrive que lorsque vous êtes suffisamment vivant, votre ego a une peur bleue. Étant donné que l'ego a une peur bleue, l'ego s'exprime surtout par la voie endocrinienne, surtout, et donc par le cerveau, par l'hypothalamus. Il va lire par le thalamus, s'exprime par l'hypothalamus et par la glande pinéale. Et ce qui arrive, vous allez finir progressivement par créer deux choses. Normalement, il peut y avoir un stress des muscles potiers. Les maux de tête, souvent, vont paraître avec ça. Ils peuvent être très localisés, ça peut créer des choses. Et l'autre chose, c'est que vous obligez un mouvement de l'astral, et l'humain qui est extrêmement vivant, ou l'humain qui est conscient de certaines choses, mute son cerveau. Il va briser certaines connexions qu'il avait, qui existaient en certains neurones, et les connexions vont se recréer par périphérique, et ça va rationaliser le cerveau. Ce qui fait que vous allez avoir un circuit beaucoup plus court, ce qui va augmenter votre rapidité de pensée, donc votre conscience. Pendant le travail, il peut arriver effectivement qu'au niveau cérébral, le cerveau enregistre des stimuli qui n'existent pas nécessairement physiquement. Ça peut être des DRS, des douleurs rétrosternales, ça peut être des serrements cérébrales. Et le cerveau voit cela, et il n'y en a pas nécessairement. Mais dans la majorité des cas, c'est un stress possible, c'est-à-dire qu'il y a un massage de votre tête peut aider, il y a des petites choses qui peuvent aider. En apprenant à respirer convenablement et par une respiration contrôlée, respiration consciente, vous ne restez pas con, justement, vous allez pouvoir parvenir à un moment donné à bloquer la mécanique réflexe qui permet à votre ego de s'exprimer. Puis là, ce sera un peu long à vous expliquer comment respirer ici, mais progressivement, de toute façon, le phénomène va finir par s'en aller. Il y aurait d'autres stratégies, tu sais, tu es conscient et vivant, la tête dans un bac d'eau chaude, ça relaxe. Mais normalement, avec le temps, progressivement, ça finit par s'en aller. Sachez une chose, c'est que votre ego résiste, ce qui est logique. Et en même temps, il peut y avoir des transformations au niveau cérébral, ce qui est aussi plaisant, pas sur le moment. Quelle est la raison cosmique au fait de ne s'être jamais marié et de n'avoir pas procréé dans cette présente vie? Ben, c'est que personne ne vous veut. Premièrement, probablement que génétiquement... Et que j'aime ça, je vais avec lui. Quand j'ai un problème, je l'appelle pas. Ça m'arrange. Un têtu de moins. Il arrive ceci simplement, c'est qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui, premièrement, seraient stériles. L'être humain qui évolue et qui mute devient souvent stérile, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de transmettre sa génétique immédiatement. Deuxièmement, dépendamment aussi de la vie, les personnes ne connaissent pas toute leur vie non plus. Ils peuvent aussi toujours avoir un enfant à un moment donné. Ils peuvent aussi en avoir eu, ils ne savent pas, mais remarque bien. Mais c'est intéressant aussi de voir que plusieurs personnes, ça crée une dénatalité, mais en même temps, ça permet une cellularisation de votre vie, ce qui fait que quand vous allez avoir un enfant, vous allez transmettre beaucoup plus d'évolution génétique. Et il y a autre chose aussi, il y a plusieurs personnes qui, à un moment donné, vont vivre une vie particulière et ils vont créer une lignée génétique, une lignée de descendants par imprégnation et non pas par contact sexuel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par leur présence, ils vont finir par imprégner énergétiquement suffisamment le corps de quelqu'un d'autre qui va faire en sorte que dans la descendance, il y aura de toute façon des caractères acquis, génétiques, récessifs, dominants à un moment donné de l'individu qui a vécu là et qui s'est imprégné. Quand on dit aussi quelles sont les raisons cosmiques, on ne doit pas chercher la raison cosmique à une évolution collective, à travers l'évolution collective. Par exemple, quelle est la raison cosmique qui fait que j'ai eu une crevaison hier? Ben, pas moi, mais mon automobile. Tu fais partie d'une évolution archangélique collective. La raison cosmique, c'est qu'il fallait que tu payes du karma. Mais quel karma? On s'en balance. Karma collectif, karma individuel, karma différé, karma relatif. Tu payais du karma. Parle plus, là. Là, je lis des questions. Est-ce que quelqu'un qui se conscientise va vers l'esprit ou si c'est l'esprit qui descend dans l'être quand cet esprit juge qu'il est prêt? L'esprit ne juge pas qu'il est prêt. L'esprit est présent, c'est une ambiance. Mais on va dire qu'il descend. L'esprit ne juge pas, il descend lorsqu'on l'attire. L'humain ne décide pas, il attire lorsqu'il est prêt. C'est la rationalité là-dedans, on la trouvera pas c'est non plus. C'est énergétique seulement, il n'y a pas d'intention. C'est une question de mécanique. Et c'est pourquoi je dis souvent que quand on dit « oui, mais si l'intelligence supramentale, elle a juste à descendre, elle va nous dire ce qu'il faut faire. » Quand l'intelligence descend et elle rencontre, par exemple, un animal, un chien, bien, rendu au niveau du chien, elle aboie. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il faut que le chien évolue. L'humain, il faut que l'humain évolue. Il est rendu à son niveau, l'intelligence est ajustée à l'humain, donc elle va donner une vision à l'homme, ajustée à l'homme. Et puis l'homme monte, puis à un moment donné, il y a une mécanique qui commence à être opérationnelle, un ajusteur de pensée. Une mécanique qui va faire en sorte que vous allez commencer à être votre maître. Vous allez, par exemple, on vous pose la question, « Comment ça va? » Et là, vous répondez « Ça va bien. » En même temps, vous dites « Ça va bien, mal. » Là, vous venez d'être rectifié. Vous vous mentiez. L'ajusteur de pensée, progressivement, va ajuster la parole. Il va surtout ajuster des théories en dedans. Vous allez poser une question. Qu'est-ce que l'univers? Et subitement, vous allez voir que la question prend une ampleur. C'est pas ça que vous vouliez savoir. Ça ajuste. Et progressivement, donc, on continue à évoluer, ce qui fait qu'on monte. Et l'intelligence, nécessairement, commence, on va dire, elle descend. C'est une question de point de vue. Si moi, je ne bouge pas, elle descend. Si elle ne bouge pas, moi, je monte. En réalité, c'est les deux mécaniques. Donc, dans les deux cas, c'est vrai. Qui doit faire quoi pour être en unité entre l'esprit et l'humain? À un moment donné, très brièvement, ce qui va vous arriver, encore une fois, les personnes qui viennent pour la première fois, c'est sûr que du matériel, il y en a un petit peu. C'est d'ailleurs l'utilité de faire une conférence, donner du matériel. Et après 3, 4, 5 fois, on finit par comprendre relativement, on finit par additionner les morceaux du casse-tête. Qui fait quoi ou qu'est-ce que l'on doit faire? À un moment donné, on finit par avoir suffisamment d'intelligence qu'on commence à détester notre corps physique, on commence à détester notre monde. Hein? C'est-tu niaiseux? Pourquoi ci? Pourquoi ça? On aura le bol. Et là, on approche d'une forme d'écœurement. Quand on touche l'écœurement de l'écœurement, il arrive une chose, on commence à se recréer dans un monde où il n'y a plus ça. Et c'est le monde moronciel. Un plan de transition entre la mort et la vie. C'est là que les âmes vont quand le corps physique n'est plus capable de les maintenir, en attendant de gagner le monde de la mort. Dans le plan moronciel, on va créer une copie conforme de ce que nous sommes dans l'intelligence. C'est le double éthérique. C'est de l'intelligence supramentale, donc de l'énergie. Quand le double éthérique est suffisamment constitué à même les énergies de notre ego et de notre âme, d'où le fait de la négoïsation, dans l'antique langage, on parlera d'humilité. Mais l'humilité, on peut s'en vanter. La négoïsation, non, pas d'ego. Fait qu'en partant, si tu dis « Hey, moi, je suis un égoïque », des fois là, c'est très contradictoire et c'est évident. L'ajusteur de pensée va vous le ramener. Alors, ce qui arrive, c'est que progressivement, la personne finit par avoir une âme pure, une âme qui n'est pas colorée par l'expérience de l'homme, les désirs et les émotions, tout ça. Alors, là va commencer un rapprochement entre le double éthérique et le corps physique qui anime encore la conscience de l'humain, et il y aura une fusion, unité. Lorsqu'il y a la fusion entre le double éthérique et le corps de l'homme, l'homme devient immortel. Immortel veut dire qu'il ne connaît plus la mort, donc il ne gagnera pas le monde de la mort. On se balance, savoir si le corps va vivre ou va mourir, mais il ne gagnera pas le monde de la mort. Et progressivement, va continuer un cheminement sur lequel on va revenir à un moment donné, où l'humain, de l'immortalité, va finir par être éternel. L'immortalité considère que vous ne mourrez pas, mais vous avez connu une naissance. Donc, vous avez quand même une fin, d'un côté. L'éternité fait que vous êtes jamais apparu, ou du moins, vous n'avez jamais été créé, et vous ne connaîtrez pas de disparition. Et par la suite, l'humain va arriver à l'intemporalité. Comment muter ma vision de la vie sur la Terre et dépasser mon angoisse de voir un jour la Terre et les hommes se détruire toujours plus? Des petites raisons intelligentes, j'en donne quelques-unes. Je ne dis pas que ça va satisfaire ce que vous avez besoin. À un moment donné, si on se revoit, on parle, etc., vous allez de toute façon vous-même devoir faire une partie du chemin. La Terre s'anéantir, etc., non. Juste brièvement comme ceci, vous allez voir comment c'est fou. L'être humain qui ramasse de l'énergie augmente sa masse. E est égal à MC2. Plus la masse augmente, plus l'humain a d'énergie. Plus l'humain a d'énergie, plus la masse augmente. La vitesse de lumière est à une constante dans ce continuum-ci. 299 792,5 km à la seconde. Maintenant, l'être humain qui voit son énergie augmenter, voit sa masse augmenter, donc il courbe progressivement l'espace-temps autour de lui. Première chose. Progressivement, l'humain va tellement ramasser d'énergie qu'il va vivre chez lui une mutation énergétique, c'est-à-dire que la constitution atomique restera la même, mais énergétiquement, il y aura plus d'énergie. Cela va faire en sorte que progressivement, l'humain va devenir beaucoup plus énergétiquement rayonnant. À un point tel que pour finaliser certaines formes de mutations bénéfiques et d'avant-garde, une petite guerre nucléaire lui serait bénéfique. Dans le salon. Pas trop fort. C'est pas l'essentiel qu'on passe par là. Mais c'est une possibilité. Alors, on ne doit pas avoir peur et être angoissé que ceci ou cela. Sachez une chose, vous serez de toute façon toujours au bon moment, au bon endroit ou au mauvais moment, au mauvais endroit. Pas de destruction planétaire, paf, il y a un char qui te frappe. Ben, c'est ça. C'est le paradis, mais t'es plus là. On doit, mentalement, on ne doit pas devenir un mental, c'est-à-dire être uniquement dans la mentalisation. On doit finir par aller chercher le processus supramental, puis lui donner du cœur, avoir une intelligence qui a du cœur. Dans la phase de transition, effectivement, il y a des problématiques qui vont se vivre. Mais de toute façon, les choses vont être comme elles vont être. Inquiétez-vous pas. C'est sûr que ça va être comme ça va être. On ne sait pas quoi. Ça n'a pas peine de s'inquiéter. Et sachez une chose aussi, c'est qu'à 99,9% des fois, ce qu'on appréhende n'arrive pas. Alors, vous l'avez assez appréhendé, là. Comme je disais souvent quand j'étais jeune, j'ai assez pensé pour que ça n'arrive pas. Je peux arrêter, là. Mais maintenant, c'est à régler. Et effectivement, il y a un bonhomme qui a déjà dit que quand ça va arriver, ça va être comme « Vous ne vous y en attendez pas. » Alors, tout le monde voit ça débile et laid. Ça peut être drôle, mais plaisant. Tant mieux. Concernant la possession, le fait qu'on est mieux possédé en ce moment, la réponse est telle qu'on se sépare du plan retardataire à lui comme la matière et non la nôtre. Le plan retardataire n'existe pas. Ce sont des plans qui nous permettent de monter, puis quand on est suffisamment prêt, on nous lâche. C'est comme, par exemple, vous avez toutes vos réussi vos examens scolaires sauf un. On vous diplôme pas. Ah, ben l'école est retardataire, non. Quand on va vous diplômer, vous allez tout avoir ce qu'il faut. Ah, mais je pourrais quand même m'en sortir, c'est vrai. Vous allez vous en sortir avec des petits morceaux qui manquent. Comme lui, à un moment donné, vous allez être bon dans tout, spécialiste dans rien. C'est préférable d'attendre, ce qui fait que les religions, par exemple, une personne s'en libère quand c'est le temps, pas quand c'est à moitié le temps, puis des choses comme ça. Bon, la possession, le fait qu'on est mieux possédé en ce moment, ce que je disais simplement, c'est que vos égos sont au minimum capables d'accepter des choses neuves. C'est déjà mieux. C'est intéressant. La réponse est telle qu'on se sépare du plan retardataire. C'est évident que votre anti-homme, vous le maîtrisez un petit peu mieux. Du moins, il vous respecte, il vous craint un peu. La partie qui est involutionnaire souvent chez l'humain, ou du moins qui est staniaque. Mais on reste encore assujetti à l'évolution du système planétaire dans quelques années, et plusieurs personnes parmi vous allaient être capables d'être totalement des assujettis. Faut quand même laisser le temps passer. Qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on devient conscient? Comment ça se développe? Quand on devient conscient, on cesse de ressentir quoi que ce soit. Donc, on ne sent plus rien. C'est comme ça. Puis comment ça se développe? Trop long à expliquer comme ça. Ça serait une vraie farce de vous répondre, de donner un truc comme ça. Non. La conscience, la réponse la plus juste, c'est de continuer à faire ce que vous faites. C'est comme ça que ça se développe. Le reste, les choses vont venir en temps et lieu. Certaines personnes auront passé par certaines écoles, d'autres auront passé par la vie, d'autres auront passé par des expériences qui sont pas trop intéressantes, hein? Chacun vit ce qu'il a vie. Et puis, la conscience se développe. Vous savez pourquoi j'aime pas ça parler avec? Ah, mais lui, il apprend par essai et erreur, puis moi, je le sais avant de le faire. Bon, chacun son plan de vie. Avant vous savez, c'est un grand disque, la vie. Avant que je le fasse aussi. C'est un grand disque, la vie, avec une chanson dessus. Et puis, il y en a qui doivent faire avec le... Ils sont le petit aiguille, puis ils font tout le sillon complet. Hein? Il faut qu'ils fassent tous les sillons du disque pour arriver au centre. Il y en a d'autres, ben ils sautent. Vous allez dire, « Ouais, mais tu connais pas la chanson? » Non, ben, pas important, c'est le chemin pour arriver. Fait que le chemin, j'ai pas besoin de me rappeler. Hein? Je repasserai pas par là. Qu'est-ce qui est le plus utile? La proximité physique d'un être supramental ou la compréhension de sa pensée par livre ou cassette et l'application dans la vie quotidienne? Le plus utile, c'est la capacité de rester détaché des écrits ou de l'individu. On peut reconnaître un outil et s'en servir. On ne doit pas s'attacher à l'outil d'aucune façon, ni en termes de sécurité, ni en termes d'affection, ni en termes d'autres choses. C'est ça qui est le plus utile. La proximité physique d'un être supramental, très intéressant, par imprégnation, ça va. Et si on est capable, si on se sent bien près de lui, c'est que déjà, on est de toute façon énergétiquement dans la même lignée. Donc, ce n'est pas une possession ou une manipulation. Ou la compréhension de sa pensée. Non. La compréhension de votre pensée, ça, c'est important. Surtout de la compréhension qui va faire en sorte qu'un jour, vous allez comprendre que vous ne pensez pas, qu'on pense dans votre tête. Et vous parlez dans votre tête. Ça, c'est intéressant. C'est autre chose. Par les livres ou la cassette ou l'application dans la vie quotidienne. L'application dans la vie quotidienne de ce que vous êtes capable de savoir. Chaque fois que vous dites, par exemple, je donne un exemple comme ça. Vous êtes en train de jaser avec quelqu'un et vous dites, « Ouais, mais Daniel Kim, là, il l'a dit que telle affaire était comme ça. » La question que moi je vous poserais, c'est Daniel Kim, il a dit. Pensez-vous que Daniel Kim avait raison? Oh, je suis sûr qu'il a raison. Alors cessez de dire Daniel Kim, il a dit, puis dites, ouais, mais c'est comme ça. Dites-le en votre nom. Parce que sinon, vous ne l'aurez jamais. L'évolution d'emprunt, ça ne mène nulle part. Mais à un moment donné, quelqu'un me disait, ouais, mais M. Kim, ce que vous dites là, c'est Krishnamurti qui a dit ça. Je n'ai rien à faire. Il a dit ça, lui. T'es un maudit bon gars. Bon, qu'après ça, la réalité, c'est une illusion, c'est vrai. Oui, mais vous, quand vous dites ce qu'il a dit, vous devriez le citer. Ah, oh, ben là. Moi, je sais que c'est vrai, alors je le dis. Je le cite pas. Écoutez bien. Hein? C'est la même chose pour soi. Ça, c'est important. Après le contact, etc., après d'un être, d'une antenne collective, d'une antenne supramentale, ça ne nuit pas si vous restez vous-même. Sinon, c'est aussi problématique que n'importe quoi d'autre. Hein? Être collecté après un popsicle ou après... Gurdjieff avait une vision très particulière de la vie. Il développa une méthode initiatique que certains individus réutilisent aujourd'hui. Sont-ils manipulés par l'égrégore de Gurdjieff? Oui, et on peut considérer une chose, c'est que tout ce qui provient du passé empêche l'application de techniques neuves. Gurdjieff avait raison, c'était bon. Steiner, même chose. On a eu plusieurs autres. Aujourd'hui, ça ne sert à rien, c'est la réincarnation, c'est les mémoires qui ont été énergisées par la présence des disciples de ces personnages-là et du personnage en question qui tend à continuer à manipuler des humains pour ne pas disparaître. Et progressivement, ça va s'atténuer et ça va disparaître, ce qui est correct. Ce qu'il a fait sert. Mais il ne faut pas que ce qu'il a fait sert. C'est pas une idée, ça l'a servi, mais il ne faut pas que ça nous sert. Hein? Bon. Alors, à un moment donné, effectivement, l'humain va arriver à dissoudre ces mémoires-là, mais présentement, c'est ce qui arrive. Il y a une question ici qui est sûrement posée par un séminariste, puis il y a un dessin, puis je pense que ce serait une question qui serait aux conférences de séminaristes. Je vais la lire, mais tu répondras. Mais dessine-la à la place, puis... Ben, c'est ça, c'est parce que j'ai de la misère à transmettre des hologrammes pour vous montrer le dessin. Là. Je vais y arriver un jour. Donnez-moi une semaine ou deux, je vais me pratiquer. Bien consciente du corps et de la pièce, montée dans un tube, donc c'est une personne qui a fait un voyage astral, puis qui dans son voyage astral, il y a un tube. Écoute, t'allais-tu la question? Ah oui, mais faut que je fasse le dessin en même temps. Ah, bon, d'accord. Bon, montée dans un tube, traverser deux arcs de cercle, puis un troisième inversé, se rendre au centre, ne pas vouloir revenir du haut, ramener quelque chose dans un retour très lent, c'est aller où? La personne est sans doute vécu ce qu'on appelle la petite mort. Voici le dessin. Le voyez-vous? Ah, il s'accroche. Non, c'est bien mieux ici. Ben, c'est ça que je pensais. Ta télépathie est pas... Ça, j'avais la tête penchée, là. La personne est probablement vécu une petite... La personne est probablement vécu une petite mort, c'est-à-dire que... Bon, effectivement, on pourrait dialoguer longtemps sur la mécanique des manipulations là-dedans, mais c'est intéressant. Et puis, c'est tout. Puis c'est comme ça qu'on doit faire ça. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on devrait toujours vivre notre vie. Vous rencontrez un chevreuil, vous rencontrez un chevreuil. Et tout le monde se met à griller quand il voit un chevreuil, comme si c'était absolument phénoménal d'avoir un chevreuil dans le bois. Bon, c'est là que ça vit. Alors, c'est un peu la même chose. Il y a beaucoup de choses qui vont se vivre, il y a des choses qui vont vous arriver tout au fur et à mesure de votre ascension, puis c'est correct. Mais c'est intéressant, puis c'est tout. Faites-en pas tout un plat. Je ne dis pas que personne n'en fait un plat, là, j'explique en même temps. Elle a vécu la petite mort, elle a probablement remonté le long de son canal réincarnationnel, elle a pénétré, elle a traversé l'aide contrôle, elle a pénétré dans le monde de la mort. Elle a vu des choses, elle a peut-être aussi presque paradisié son âme, c'est-à-dire qu'elle a retrouvé la mémoire qui prévalait lors de sa naissance. Peut-être donc son ego voulu rester là, ou etc. Il y a des petites choses comme ça. Quand on parle des dessins ou des couches, l'ego est toujours en train de former, c'est-à-dire qu'il crée des dessins, il crée des formes pour essayer de se retrouver. Donc ça peut être de la lumière, des êtres de lumière, des choses comme ça, ce qui va nous plaire, quoi. Bon, consciente des bruits d'elle, puis témoin d'un possible avenir futur en contradiction avec un présent à venir, c'est astral ou mental, c'est astral. Par contre, vous avez peut-être vécu ça mentalement, ce qui fait que vous n'en êtes peut-être pas trop coloré. C'est astral. Puis dans l'astral, tout ce qu'on sait, le problème de l'astral, c'est pas que l'astral, c'est uniquement mental. L'astral, il y a aussi l'avenir là-dedans. Le problème de l'astral, c'est qu'on sait jamais. C'est ça qui est le problème. On ne peut pas faire confiance à l'astral. Tu as mis une question de côté tantôt, parce qu'on a répondu vite, qu'on pouvait revenir à la fin, c'est ça? C'est beau. Tu en as une autre? Oui. Ah, ben c'est celle qui s'adressait à moi. Bon, j'étais... Hein? Vous voyez, qu'est-ce que c'est l'ego? Il voulait leur lire une autre fois. Non, c'est pas ça. Pas ça. Qui était Jules Verne? Un homme. Ouais. Tu l'as dit tantôt. Ah, okay. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la planète, Jules Verne? Réincarner des mémoires de l'avenir. Pourquoi? Bon, Jules Verne, c'est un personnage qui a travaillé, premièrement, c'est un ésotériste. Il a travaillé en collaboration avec différentes sociétés secrètes. Une société, entre autres, qui est la franc-maçonnerie. Bon. C'est là que tu connais? Non, non, continue. OK. Jules Verne, c'est un personnage qui a écrit différents romans. Il a écrit Les Voyages de Gulliver. Gulliver et les Lilliputiens. Tu connais? On va dire, ben non, c'est Johann Smith, Jonathan Smith qui a écrit ça. C'est ce que je dis. Jules Verne, il a écrit d'autres livres. Il a fait certaines choses. Il y a des choses intéressantes. Enfin, pose-moi des questions. Je ne veux pas tout dire, alors ben, pose-moi des questions là-dessus. Est-ce que Jules Verne avait une affinité avec Merlin? Bon, ça fait partie des choses que je ne suis pas trop jasé, mais... Vous voyez pourquoi j'aime pas ça jaser avec lui? Parce qu'il a été emprisonné un bout de temps, il parlait trop, il faisait trop de choses. C'est ça. Le bonhomme lui-même, bon, il a des... Continue, d'autres questions? Non, non, sur le sujet, là. Sur Jules Verne? Oui, oui. Ouais, mais je te pose, tu ne veux pas me répondre. Ah ouais, je vais répondre. OK. Parce que Jules Verne est venu dire des choses... Non, pose-moi des questions. OK. Ben, je vais te poser la même question. Est-ce que Jules Verne avait des affinités avec Merlin? Oui, mais tu la poses mal. Recommence encore. Est-ce que Merlin et Jules Verne, c'était le même individu? Non. La même énergie? Non. Mais ils se sont connus, ils ont vécu ensemble, ils se sont côtoyés, ils ont travaillé ensemble, là. Est-ce que Jules Verne a été formé par Merlin? Oui, mais évidemment, on parle d'une incarnation de Jules Verne antérieure à celle de Jules Verne. C'est évident. Il a été formé par Merlin... Il a été formé par Merlin dans le but de retrouver une chose, une lance. Il a été formé en Espagne par Merlin, sur le Mont Salvat. D'autres questions? Continue. Ouais, la lance de Longinus. Évidemment. Il l'a retrouvée? C'est pour ça qu'il a été enfermé, c'est pas parce que... C'est ça. C'est pas à cause de ce qu'il écrivait? Non. Non. La lance de Longinus, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la lance du Graal, c'est la même chose. C'est la lance qui a servi à un centurion Longinus pour aller vérifier si le Nazaréen était décédé. Et ce qui est sorti de la plaie, bien, il y a un bonhomme qui s'approchait de là, qui a ramassé dans une coupe, qui est devenu finalement le symbole même du Graal, mais il y a eu toujours eu deux Graals sur le plan planétaire. Le roi du Graal, quand conservait un, il l'a perdu au détriment, il l'a perdu à un moment donné en se battant avec un prince sorcier, Klingzor, qui, lui, va faire en sorte, à un moment donné, de former Mordred, qui va être celle qui va faire en sorte que les chevaliers de la Table Ronde vont perdre le Graal, et qui va faire en sorte que l'Angleterre va naître d'une façon bizarre et particulière, et ça va engendrer les États-Unis d'Amérique, qui, eux, vont être les gardiens militaires du Québec dans l'avenir, face à des interventions qui sont similaires à ce qui a été connu dans le passé. Jules Verne est un personnage qui, justement, a côtoyé Merlin, donc à cette époque-là. Il n'était pas chevalier de la Table Ronde, il était près des chevaliers. Il s'était un mage, il a donc appris la magie blanche. Un sorcier, normalement, c'est la magie noire. Et le rôle qu'il a eu à jouer ici a été un rôle de pilonnage. Jules Verne, ceux qui ont lu le livre La Cité de Sept, qui est un roman dans lequel on compte la vérité, Jules Verne a eu des grands rapprochements avec les individus qui venaient respirer. Ouais. Jules Verne a eu des rapprochements mécaniques avec des individus qui... Henri Dunant, Alfred Nobel. Je parle de ceux-là, surtout dans La Cité de Sept. Je ne parle pas de tous les personnages. Et il a voyagé, lui aussi. Puis il est revenu avec des choses, il a écrit. Puis après ça, il est retourné 120 millions d'années ailleurs. Ça répond mieux à la question. On peut continuer à en parler, c'est intéressant. On a encore quelques minutes. Je pense qu'il y en avait une autre. Ah. On peut parler aussi. On va revenir. Parlez du corps éthérique, s'il vous plaît. Non, j'ai oublié le mot, s'il vous plaît. Parle du corps éthérique. Parce que... C'est ça, on a parlé ici quand même pas mal, ici, là. Mais bon. C'est quoi un corps éthérique? Un corps éthérique, c'est un corps d'énergie capable d'obliger une forme moléculaire à s'adapter. C'est un corps d'énergie qui est capable d'obliger la matière à prendre sa forme. Cela veut dire que lorsqu'on mange une pomme, on ne devient pas pomme, c'est la pomme qui devient nous. Par contre, lorsqu'on est fatigué ou lorsqu'on est épuisé, lorsqu'on manque d'énergie vitale, si un virus vient chez nous, son corps vital va être capable d'obliger notre corps vital à bouger, ce qui fait que le virus va nécessairement impliquer une maladie et progressivement, il pourra croître et se multiplier lui aussi. à l'intérieur de notre corps physique et on aura une pathologie. Il y a des cellules qui peuvent être détruites, il y a des choses qui peuvent arriver. Si on a un corps vital bien énergisé, donc bien nourri, nécessairement, les virus vont, eux, être altérés, eux vont muter. Eux, ils vont attraper la maladie qui est notre santé. Exact. Si on mange de la viande, on peut faire la même chose avec la viande. Les Indiens disaient que quand tu manges un orignal, l'orignal évolue par le fait qu'il devient ton corps. D'une façon, c'est réel. C'est sûr que tu peux dire « j'involue aussi vu que je le mange », c'est aussi réel. Mais par contre, tu restes en vie, ça a certaines utilités. Donc, le corps éthérique, c'est cela. Maintenant, le corps éthérique, ça peut être autre chose. Dans l'antique étymologie, c'est le corps vital. Dans la nouvelle étymologie, le corps éthérique fait souvent référence au double éthérique. Si on parle donc du corps éthérique du point de vue planétaire, qu'est-ce qui différencie une personne qui dort d'une personne qui est morte? Il y en a une qui a la vie, l'autre ne l'a pas. La vie l'a quitté, et la vie, c'est le corps éthérique. Au niveau PMC, par exemple, on parle de technique canvi, canalisation de la vie. C'est canalisation de l'énergie vitale, c'est la vie. Le corps éthérique, c'est quelque chose qui a la capacité de prendre de l'expansion facilement. C'est-à-dire que non seulement vous l'avez chez vous, mais par certains travaux de conscientisation, de kinesthésie, perception du corps, le yoga peut amener ça, le tai chi amène ça, certains arts martiaux amènent ça, ou d'autres techniques qui sont plus nouvelles peuvent amener ce genre de perception-là. On finit par sentir le corps éthérique à un point tel qu'à un moment donné, on est capable de l'expandre. Respiration va aider, plus certaines petites choses. Et en créant une expansion du corps éthérique, donc du corps vital, on finit par percevoir, on développe d'autres sens, des sens vitaliques par rapport aux sens physiques. Ce ne sont pas des sens vitaux. Des sens vitaux qui nous gardent en vie. Des sens vitaliques sont reliés au corps physique, au corps vital. Donc, à un moment donné, ça nous permet d'avoir une vision de l'univers humain qui est totalement autre que ce que l'humain connaît présentement. Mais ça se développe. Oh, vous allez voir des entités naturelles. Oui, mais ça se développe aussi. Si votre ego est présent, on ne verra pas grand-chose. Mais à un moment donné, ça va faire ceci. Ça va faire que un jour, vous avez eu les oreilles, vous avez découvert le monde. C'est un peu comme le monde, vous le touchez. Vous avez une vision du monde. À un moment donné, vous le sentez, vous avez une autre vision du monde. À un moment donné, vous entendez des bruits. Ah ben là, vous avez une vision. Ah là, vous vous dites, allez, là, je sais tout. Et subitement, pouf, on vous donne des yeux. Ah ben là, vous touchez à distance. Il y a des couleurs. Et là, ça n'a plus rien à voir avec le monde. L'autre sens qui se développe chez celui qui se conscientise, c'est un sens vitalique. Et là, ça vous permet de savoir ce qui se passe au bord des murs, de savoir ce qui se passe à travers, en tout cas, ça vous permet bien les choses. Ça vous permet de conduire une automobile, puis subitement de vous tasser. Puis là, ben voilà, ben vous avez évité un accident. Puis là, faites un point plat, c'est logique, à votre niveau, vous évitez des accidents. Mais là, le monde, ils sont là, hey, wow, qu'est-ce que c'est? Bon, rien à voir, continuez à vivre. Le corps éthérique, progressivement, finit par avoir une expansion telle. Ça peut arriver avant, ça peut arriver après, ça peut arriver pendant, vous allez devenir plus sensible. Plus sensible à l'émotivité d'autrui. Plus sensible aussi à la dégustation de l'intelligence chez quelqu'un ou de la stupidité. Mais stupidité du point de vue énergétique, de l'inintelligence. Et là, si c'est récupéré par l'ego, ça va encore travailler contre vous. Progressivement, le corps éthérique finit par être suffisamment puissant qu'il peut attirer une entité morontielle. Une entité morontielle, c'est un double éthérique qui a commencé à être créé, qui n'a pas été finalisé, qui traîne dans le plan morontiel. C'est des morceaux d'énergie qui peuvent nous aider. Et à un moment donné, on aura un corps éthérique totalement créé, qui sera le double éthérique, qui lui est créé à même l'énergie vitale, donc éthérique planétaire, mais structuré par une intervention d'éthérique supramentale, donc énergie vitale extraterrestre, mais pas dans le sens extraterrestre, petite bébite avec des antennes, là, qui ne provient pas de la Terre, le Soleil est extraterrestre, puis il n'y a pas de problème. Et à un moment donné, l'intelligence vient et elle va structurer dans le plan éthérique une correspondance exacte à ce qui peut pénétrer comme conscience dans le corps physique, donc chez l'homme, chez la femme, chez l'enfant. Et ça va créer le double éthérique, puis à un moment donné, bien, quand il sera suffisamment constitué, lorsqu'il y aura suffisamment d'énergie, c'est pourquoi vous avez de la mémoire chez vous, c'est pourquoi vous avez de l'ego, c'est pourquoi vous avez de l'âme, c'est parce que c'est de l'énergie, c'est la seule façon qui a été trouvée pour que vous puissiez contenir énormément d'énergie sans qu'elle vous détruise. C'est par l'illusion, c'est-à-dire qu'on a des réservoirs, on adore le réservoir, on n'a aucune idée de ce qu'il y a là-dedans. Et à un moment donné, par l'anégoïsation, vous allez transformer ces formes-là en énergie qui sera beaucoup plus translucide, transparente. Et là, on aura un double éthérique de créer, un corps éthérique convenable. Il y aura une fusion. Dans le corps éthérique, on peut faire certaines choses. On peut parvenir à un moment donné à faire des dédoublements du corps éthérique. La majorité de ceux qui ont essayé sont morts. Bon, ils n'ont pas réussi à faire un dédoublement, ils ont fait une sortie éthérique. Alors, quand la vie quitte le corps se désagrège, il perd la mémoire de sa forme. qu'il y a certaines personnes qui sont parvenues à faire des dédoublements éthériques et ça leur permettait d'apparaître à un autre endroit. Donc, elles étaient à deux places en même temps. Mais pas du point de vue de la conscience, uniquement du point de vue de la forme éthérique. C'est pas une bilocation de conscience. L'humain vit déjà une plurilocation de conscience. Il y a une conscience physique, vitale, astrale et mentale. Mais il y a des personnes, il y a Alex Thanos, entre autres. Bon, Thanos, ça veut dire capable. Puis Alex, ça veut dire c'est dans le passé. T'sais. Bon, maintenant, il fait plus ça, là. Il était capable. Il était capable, il l'a vu. C'est ça. Alex Thanos. Bon. Alors, il faisait effectivement des dédoublements éthériques. C'est des choses qui sont intéressantes. C'est tout. Mais la conscience, elle ne peut pas se dédoubler. Elle est à un endroit seulement. Une conscience ne parce se dédouble dit qu'elle pas. Est pas quand à on un parle endroit. De bilocation de conscience du point de vue d'évolution supramentale, on veut simplement dire que l'être humain aura accès à une conscience extraterrestre et une conscience terrestre. Lorsqu'il aura un double éthérique suffisamment constitué pour qu'il puisse voyager dedans. Bon. Par contre, quand on, l'humain, la conscience, c'est quelque chose qui englobe. Il va venir un temps où l'humain qui se conscientise, qui évolue, va finir par avoir une conscience de plus en plus globale. Une conscience globale, c'est une conscience qui vous permet, par exemple, de savoir ce que vous faites quand vous conduisez sur une route qui est peut-être un peu glissante, tout en continuant à parler avec quelqu'un. Vous êtes, là, vous avez une conscience qui, disons, est capable d'englober deux choses. À un moment donné, on en englobe 3, 4, 5, 6, 15, 20, 40, et à un moment donné, eh bien, vous allez connaître la position de toutes les tigres grandiflores sur la planète. En même temps, petit personnage qui sort l'hiver, là, bon. Je te montrerai ce que c'est. Ça va, c'est un cri, voilà ça. La conscience, ça ne peut pas se fragmenter. Une conscience fragmentaire est une conscience, c'est une attention cyclique. Regardez, il y a une façon de voir les choses. L'être humain ne doit pas apprendre à se concentrer. La concentration, c'est d'être attentif sur une seule chose. L'être humain doit apprendre à être attentif. L'attention, c'est être concentré sur tout. Il y a des personnes, par contre, qui vont développer une attention concentrative, cyclique. Alors, ils sont concentrés là, concentrés là, concentrés là, concentrés là, concentrés là, concentrés là, concentrés là, concentrés là, puis essayent de faire ça bien vite. Et là, ils ont subitement l'impression qu'ils ont peut-être une conscience d'attention. C'est pas ça. Et comment on peut voir la chose? À un moment donné, on pratique, par exemple, l'ordem, l'entraînement d'intelligence en mouvement. C'est comme une forme d'arts martiaux. Et là, on dit à un individu, on se met 5 autour de toi, puis on attaque quand ça nous plaît. S'il y a une attention concentrative cyclique, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, ting, paf, paf, paf, il pourra pas. S'il y a une attention réelle en plénitude, il y a aucun problème, on pourra pas le toucher. Et la nuance, elle est juste là. L'individu, par exemple, qui a les yeux bandés, qui marche en pleine forêt attaché, histoire simplement de voir si son ego qui domine ou encore son corps éthérique, son, le corps vital qu'il a réussi à expandre, bien, la personne, si elle vit une attention concentrative cyclique, un bruit par là, un pied là, une affaire là, ainsi, ça, paf, l'arbre, tu l'as manqué. Bon. C'est-à-dire que l'arbre, t'as pas manqué. Oui, non, mais toi, tu l'es. Si la personne vit une attention convenable, à un moment donné, j'étais avec deux jumeaux, deux médecins, on était dans le bois, on s'attache les deux, il y avait un petit peu de neige, puis on les a encore ensemble, on leur attache la main. Il y avait 20 autres personnes avec eux, mais c'est ceux-là qui étaient intéressants surtout. Les autres, ils s'enfargeaient, ils rentraient dans les arbres, etc. Hey, ça, j'ai tiré, tu me coupes le poignet. Tu ramasses la corde, c'est réglé. Bon. Des petites choses. Et dans les deux médecins, deux jumeaux, tu devrais t'attendre à ce que télépathiquement, ils agissent similairement de la même façon. Non. Il y en a un qui a subitement été capable d'être vivant. L'autre est resté dans une attention concentrative cyclique. Celui qui était vivant, lui, il pouvait percevoir plein de choses et le cerveau analyse d'une façon très raisonnable, c'est-à-dire que tout ce que vous n'avez pas besoin de savoir, ben vous ne le savez pas. C'est tellement plus simple. Mais un ego a peur de ça. Il y avait des bruits. Il y avait une scie mécanique à un moment donné quelque part. Il y avait un paquet de choses. L'autre, lui, il analysait, non, est trop loin, je risque pas d'arriver sur le gars qui coupe le scie. Là, puis il y a un arbre ici, il y a de la neige là-bas, j'espère que je ne tomberai pas dans un trou de neige. Lui, il a de gros problèmes. Alors que l'autre, lui, après l'expérience, je lui demande, bon, est-ce que tu te rappelles de quelque chose? Il m'avait expliqué qu'il avait vécu un état qu'il n'avait jamais vécu, etc. Je suis parfait, tu étais vivant. Vivant, ça veut dire que tu es totalement là dans l'instantanéité. Te rappelles-tu de ce que tu as vu et entendu et senti? Non, presque rien. As-tu eu froid? Je pense pas. As-tu eu chaud? Je pense pas non plus. Non, hein, c'est ça, être vivant. Tout est parfait. L'autre, il dit oui, mais s'il serait arrivé quelque chose, son cerveau analysait tout. Il s'est arrivé quelque chose, le cerveau aurait réagi, puis lui aurait fait ce qu'il fallait pour. Tout le reste qui t'a inquiété, le cerveau avait analysé, pas de danger, on l'oublie. Sa conscience n'est pas au courant, c'est pas nécessaire. Être vivant, c'est ça. Alors lui, il s'est promené, puis il a évité les bancs de neige. C'était génial de le voir aller. C'est comme s'il voyait à travers son bandeau. Mais le pire, c'est qu'il voyait à travers son bandeau. Mais pas avec les yeux physiques, avec la perception vitale. Il était vivant, donc il percevait. Exactement comme vous vous en allez. Oh, je tourne là. Vous avez de l'ego? Pourquoi tu tournes là? Et vous êtes fait. Vous savez, le chameau, quand il a soif, il marche dans le désert, il s'arrête, il creuse, puis il boit. L'homme, quand il a soif dans le désert, ben, il crève de faim, de soif plutôt. Bon. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas confiance à son intuition. Puis le pire, c'est que chez l'humain, faites confiance à votre intuition. En réalité, faites confiance à ce que vous êtes vous. Vous êtes dans le désert, vous êtes perdu. Là, vous avez l'intuition qui vous dit d'aller par là. Allez là de bord. Vous allez trouver peut-être de l'eau. Parce que le virus, l'âme, l'astral chez l'humain, fait tout pour lui prouver qu'il est un ticlin, un médiocre, un petit. Et ça, c'est une chose qu'on doit apprendre à un moment donné. Juste à décoder un petit peu. On va apprendre à lire. Puis on arrive à s'en sortir. Puis là, à un moment donné, ben, quand l'ego va se rendre compte que tu as compris la mécanique, ils vont te revirer ça de bord. Oui, aussi tu reviens de bord. Quand tu penses de tourner à droite, il fallait que tu tournes à droite. Tu tournes à droite, faut aussi. Aujourd'hui, j'ai donné une conférence à Québec. Alors, je m'en vais, puis là, j'arrive sur une intersection, puis j'ai le numéro civique. Si tu es à gauche, tu es à droite. Habituellement, quand je pense que c'est à gauche, je tourne à droite, j'ai raison. Puis quand je pense que c'est à droite, je tourne à gauche, j'ai raison. Bon. Là, je me dis, j'ai subitement l'impression que je pense que c'est à droite, puis que c'est à droite. Vous allez voir, parce que c'est l'évolution, l'évolution. Ah oui, moi je m'amuse, j'avance. Pourquoi je suis évolué? C'est que je ne souffre plus de sa planète. Mais j'ai encore des crevaisons. Pas plus longtemps. Mais c'est pas grave, on change la roue, on continue, hein, sauf c'est pas un plat. Bon. Puis si on n'a pas de roue de secours, ça m'est déjà arrivé. Bon, on attend la remorqueuse. Bon. Hein, après ça, ça passe. Alors là, je décide de laisser à droite. Je dis, bon, c'est à droite, donc c'est à gauche. Mais maintenant, j'ai la vraie vache impression qu'on veut me faire tourner à gauche. Donc, c'est probablement à droite. Alors, je tourne à droite. Puis je me dis, je tourne à droite. Là, je regarde le numéro civique. C'est les 27 que je cherche, on est les 400. J'avance, ça descend. J'avance encore, ça descend. Parfait, je me suis pas trompé. Traverse un pont. Rendu de l'autre bord, c'est plus haut que l'autre côté. Alors je me dis, écoute, c'est quand même pas sur le pont, hein? Alors je reviens, je revire de bord, puis là, je reviens à la même place, puis je me rends compte que ça descendait pas. Ça faisait que monter. Et moi, je t'ai vu descendre des maudits numéros. Mais ça montait. Et là, je me dis pas, bon, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que. Ben non, voyons donc, je me dis simplement, hey, c'est l'autre bord. Ah ben, hey, bon, je m'en vais de l'autre côté. Puis là, j'ai roulé en surveillant, parce qu'on s'amuse. Puis c'était correct. Est-ce que je me suis fait fourrer? Non. Pourquoi? Parce que ça m'a pas dérangé. On se fait pas avoir quand on vire sur le mauvais côté, on se fait avoir quand on chiale d'avoir viré sur le mauvais côté. Tout à l'heure, quand la personne me disait, là, j'en ai ras-le-bol de me faire charrier, c'est là qu'on se fait charrier. Pour le reste, écoutez, on est sur la planète. On est sur la planète. Il y a une enceinte du beau temps, puis il pleut, je me suis fait fourrer. Mais non, je le dis encore, le paysan demande de la pluie, le voyageur demande du beau temps, mais Dieu hésite. Alors, on peut pas chialer et se dire, non, on se fait avoir, on se fait avoir quand on crie, quand on chiale, quand on ne se rend pas compte d'eux. Là, oui. Là, on est fait. Aujourd'hui, je me suis fait avoir, absolument pas. J'ai tourné à droite, j'aurais dû tourner à gauche. Puis en plus, les chiffres descendaient, mais ils ne descendaient pas. Alors, il faut croire que dans ma tête, ça voulait que ça... Hein? Il s'est passé quelque chose. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est extrêmement plaisant et extrêmement amusant. Ça met du piquant dans le piquant, dans la vie. Puis après ça, c'est tout. La prochaine fois, est-ce que je vais encore me faire avoir? Non, à un moment donné, faites-vous-en pas. Si je tourne à droite, les maisons vont se déplacer. Vous allez dire, c'est plus simple de tourner à gauche. Je tournerai à gauche. Mais c'est pas un problème. C'est ce qui va arriver. Oui. Tard, les maisons se déplacent. T'espères que vous ne tomberez pas en allant chez vous? Ça se pourrait. Voyez-vous, dans sa maison, en train de se faire déplacer. Parce que Daniel Kemp va tourner sur le mauvais bord. On va-tu déplacer le pays ou c'est le pays qui va déplacer le Québec? Ça, c'est une chose intéressante à un moment donné. On en reparlera de ça, du déplacement du pays puis du Québec. C'est bien pire que tu penses. Il sait pas ce qu'il dit. Ouais, mais... Tu sais pas ce que je pense. Ah, ben, j'en ai une idée. Mais là, maintenant, là, je sais ce que tu penses. Ouais. Ce que tu pensais quand tu le dis, c'était pas ça. Non, hein. Mais ça, je te dis. Moi, je te parlais de quand tu parlais. C'est vrai que j'ai triché. Eh oui. Parce qu'il va se passer quelque chose un jour par rapport au Québec. Ah, oh, une nuit. Au Canada. Pendant la nuit. Toujours un jour, hein? On donnait un peu de coup la nuit. Effectivement, au Québec, ça, c'est bien. C'est bien. Est-ce qu'on va changer de premier ministre bientôt? Oh, ça, on va changer bien des choses. La semaine prochaine, un sujet plus important que les élections, les lois de l'immortalité. On va parler de quoi? De l'immortalité. Ce qui veut dire? Non, on va probablement créer on va expliquer des choses qui vont nous permettre de comprendre de quelle façon on peut récupérer notre vie dans le temps. De quelle façon aussi, peut-être, on va avoir la capacité de retrouver des vestiges de ce qu'on a fait dans le passé. Je ne dis pas que tout le monde va le retrouver, ça dépend de ce que les individus vont comprendre. La conférence, la première chose d'importante, c'est d'être capable d'accepter des choses neuves comme ça en s'amusant. C'est déjà très, c'est surtout ça l'important d'une conférence. C'est pas de tout retenir. Mais on va travailler, on va surtout jaser sur la mécanique qui permet à l'humain de conscientiser le fait qu'il a déjà été là et qu'il va être encore là-bas. Ça élimine plein de petits problèmes, puis ça va nous permettre d'avoir une vision autre. Peut-être aussi une démarche dans notre vie qui est tout à fait différente de celle où ce que j'ai 5 ans encore pour évoluer, ou etc. L'humain a décidé, il y a beaucoup de surprises là-dessus. Alors, en attendant, passez une belle fin de semaine et on se revoit la semaine prochaine. Oui, c'est ça, amusez-vous, puis je suis allé pas trop. Thank you.